Pourquoi et comment les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Dans un ouvrage célèbre, l'historien Paul Venn, récemment disparu, s'est demandé si les Grecs, ce peuple de philosophes et de géomètres qui a beaucoup contribué au progrès de la raison, avaient vraiment cru aux cyclopes, aux minotaures et aux loups-garous qui hantent leur mythe. Il n'existe pas de réponse simple à cette question. Le mythe, comme discours transmis de génération en génération et de bouche à oreille, se propageait suivant différents chemins, depuis la parole du poète, maître de vérité, jusqu'à celle du spécialiste, exégète bien informé des traditions locales, qui racontait le mythe comme l'on donne un renseignement. La vraisemblance du mythe découlait à cette époque de la cohérence interne du récit et de son insertion dans l'ensemble des traditions helléniques. Paul Venn en conclut que le rapport du mythe à la vérité est donc plus complexe qu'on ne le croit. Même les plus sceptiques des lecteurs de mythes s'accordaient à identifier dans la tradition des éléments dignes d'être crus, des noyaux de vérité historique. Selon l'époque et ses destinataires, un mythe pouvait être accepté tel quel, globalement réfuté, ou faire l'objet d'une critique empreinte finalement de la même crédulité qu'elle prétendait dénoncer chez les autres. Un mythe pouvait aussi remplir une fonction sociale, sans être tout à fait pris au sérieux, en favorisant des connivences et des liens de solidarité entre des individus partageant des points communs. Les historiens et les anthropologues spécialisés dans l'étude des mythes ont nuancé les constats de Paul Venn. Selon eux, on ne peut pas s'interroger uniquement sur le contenu narratif du mythe pour déceler la part de fiction ou de vérité qu'il contient. Il faut aussi analyser l'ensemble des valeurs symboliques qui sont présentes à l'arrière-plan et qui jouent un rôle essentiel dans la signification des mythes. Le modèle de l'analyse structurale que l'anthropologue Claude Lévi-Strauss a longuement développé conduit à envisager différemment les critères d'appréciation du mythe. Dans cette perspective, l'essentiel réside moins dans la vraisemblance de l'histoire racontée que dans sa pertinence par rapport au code symbolique propre à la société concernée. Une autre question importante a été abordée dans cette réflexion collective sur les mythes. Elle concerne la différence entre transmission orale et transmission écrite. Un changement de perspective s'est produit en effet lorsque les mythes ont été diffusés par le biais de l'écriture, comme ce fut le cas avec les manuels mythographiques de l'époque hellénistique. De récits transmissibles oralement, mémorisés et réactivés dans le cadre d'un groupe civique ou familial, le mythe a pris la forme d'un texte écrit, s'offrant à la lecture et soumis à des principes de composition et de cohérence nouveaux. L'ouvrage de Paul Venn et les discussions savantes auxquelles il a donné lieu pourraient sans doute nous aider à mieux comprendre pourquoi les mythes d'aujourd'hui, je pense aux fausses nouvelles diffusées par les réseaux sociaux, peuvent être prises pour des vérités par un grand nombre de gens.